Yeah. C'est moi dans le bar, c'est moi qui viens d'en bas. Je suis un connard de toi mais aussi un bon gars. Tu fais des bons car je ne me dis pas que bon car. Dans ce monde de cons y'a beaucoup trop de vantards. Mais s'il est trop tard pour revenir en arrière, trop tard pour nous remettre des barrières. Tu me trouves amer mais tu sais que derrière mon barrière j'ai entendu bien pire que la semaine dernière. Licenciement, crise et pollution dans mon troquet, les gens pensent tous à la révolution. À cause du tchè peut-être mais de toute façon ce n'est pas ce qui m'arrête de couler des boissons. Bien au contraire, s'enchaînent les discussions comme les verres de Pierre, de Ricard, de Picon. Des soulards qui s'enchaînent à la picole, les picons, qu'ils m'appellent. Mais non, je rigole. C'est moi le barman, qu'est-ce que tu veux boire, man? Je te fais ça, y'a pas de blême, man. C'est moi le barman, si tu me parles mal, bois ça avec mon collègue malabar, man. C'est moi le barman, qu'est-ce que tu veux boire, man? Je te fais ça, y'a pas de blême, man. C'est moi le barman, si tu me parles mal, bois ça avec mon collègue malabar. Quand y'a personne, c'est la zone. Quand y'a personne, faut rester zen. Quand y'a personne, je mets de la bonne zik, v'là des personnes. Bonsoir, mesdames et messieurs. Soyez le bienvenu, n'hésitez pas, prenez place. Je vous donne la carte pendant que je pile de la glace. Tu veux un iced tea, je n'en ai pas hélas. Tu veux un mojito, tu veux un rhum coco ou un gros tiponche comme Lolo. Une pina colada comme Anto et Renault ou une sangria comme Katarina. Un rhum tagada, rhum anana. Non, tu veux un Asta comme Vanessa. Ok, je te fais ça. Vas-y, check. Comment check. C'est moi le barman, qu'est-ce que tu veux boire, man? Je te fais ça, y'a pas de blême, man. C'est moi le barman, si tu me parles mal, bois ça avec mon collègue malabar, man. C'est moi le barman, qu'est-ce que tu veux boire, man? Je te fais ça, y'a pas de blême, man. C'est moi le barman, si tu me parles mal, bois ça avec mon collègue malabar, man. Ce soir, j'ai branché le blender. Faut croire que je vais me coucher à pas de l'ambiance ragamuffin. Ramène ta maille et ta copine. Pas de cadavre, confie cette au videur que je me fie. Sexy, chaud, gogo à gogo. Y'a un tas de mecs qui deviennent tous barjots. Comme un ado devant son premier porno. Doc gynéco, un discours de Sarko. Ça y est, c'est l'heure de fermer. L'heure de faire ma tournée, de faire casser. De débarrasser, nettoyer, balayer, compter. Tout est fait donc j'peux me casser. C'est moi le barman, qu'est-ce que tu veux boire, man? Je te fais ça, y'a pas de blême, man. C'est moi le barman, si tu me parles mal, vois ça avec mon collègue malabar, man. C'est moi le barman, qu'est-ce que tu veux boire, man? Je te fais ça, y'a pas de blême, man. C'est moi le barman, si tu me parles mal, vois ça avec mon collègue malabar, man.